Unité 25. Les adjectifs démonstratifs. Ce tableau célèbre est de Van Gogh. Cette femme est appelée l'Arlésienne. Deux. Forme. Ce tableau est de Manet. Cette femme est appelée l'Arlésienne. Ces tableaux sont au musée d'Orsay. Ces statues sont au musée Rodin. 3. Prononciation. Devant une voyelle ou un H muet, on fait l'enchaînement avec 7 et 7. Cet artiste. Cet artiste. Cette histoire. On fait la liaison avec C. Ces objets. Ses horaires. 7 et 7 ont la même prononciation. Cet ami. Cette amie.